quelque part. Pour qu'aujourd'hui je sois gay, il doit y avoir une raison. Quelqu'un qui diffuse cette joie, un ami, un amour, qui sait. Quelle étrange étincelle a enflammé mon courage, éteint depuis des jours, qui a pu l'éveiller. Un ami, un amour, qui sait. Mais ce n'est rien que le soleil qui se montre aujourd'hui dans la lumière. On est plus limpide, moins confus, sans amis, sans amour, léger. Au diable l'avarice d'un cœur qui accepte tout, sans rien en échange. Sans rien, sans amis, sans amour, non. Alors je redouble de folie, je m'accuse de solitude. Je suis tout pour moi, un ami, un amour, ou rien du tout. Mais ce n'est rien que le soleil qui se montre aujourd'hui dans la lumière. On n'est plus limpide, moins confus, sans amis, sans amour.